Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Petra, la plus célèbre des cités perdues. C'est une merveille, c'est un diamant. On arrive par un passage très étroit et très profond. Et lorsqu'on arrive, on se trouve un peu comme devant un rideau de théâtre. C'est vraiment comme un rideau de théâtre qui s'ouvrirait lentement à mesure qu'on approche. Et ce qu'on aperçoit, c'est des façades qu'on découvre ensuite sculptées dans le granit. L'écrivain Roch Carrier, émerveillé, complètement émerveillé devant les splendeurs de Petra, il décrit ça à notre radio il y a quelques années. Les Jordaniens, d'ailleurs, parlent de Petra comme de la 8e merveille du monde. Petra, trésor caché, ville oubliée puis redécouverte au 19e siècle, ancienne capitale des Nabatéens, Petra est aujourd'hui l'un des sites archéologiques les plus visités au monde. L'homme s'incruste parfois dans son environnement naturel, au sens propre du terme. Petra, en grec, signifie roche. Le site de Petra, en Jordanie, est taillé dans le grès. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Nabatéens firent de Petra leur capitale. Ils créèrent des temples aux façades sculptées dans la montagne, une nécropole avec des centaines de tombeaux, un immense amphithéâtre et des entrepôts, car ils étaient peuple de commerçants. À l'abri de son univers minéral, Petra est unique et restera longtemps l'un des sites les plus fascinants de la planète. Et pour nous faire découvrir Petra et son histoire, Maurice Sartre, grand spécialiste de l'histoire de la Méditerranée orientale, membre de l'Institut universitaire de France. Maurice Sartre, dans nos studios de Paris, c'est un plaisir de vous retrouver, M. Sartre, à nouveau dans cette émission d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter. On l'entendait dans cet extrait, 6e siècle avant Jésus-Christ, donc le début de Petra, fondée, donc créée par les Nabatéens. Qui sont-ils, ces Nabatéens? Les Nabatéens sont des Arabes qui occupent à cette époque-là, et on ne sait pas depuis quand d'ailleurs, peu importe, le nord-ouest de l'Arabie saoudite actuelle, le sud de la Jordanie, disons une grande partie même de la Jordanie, mais surtout le sud, et qui fondent effectivement cette ville cachée au milieu d'un massif montagneux. Alors, votre extrait parlait du 6e siècle. Honnêtement, la première trace que l'on en ait n'est pas antérieure à la fin du 4e siècle. Ah bon. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là depuis plus longtemps. Hein. Je ne dis pas qu'au 6e, ils n'y étaient pas déjà, mais on n'en a pas la preuve. En revanche, ce qu'on sait, c'est que Petra est déjà leur capitale et existe déjà en 312, puisque un général grec a envoyé une expédition pour tenter de s'emparer de leurs marchandises, de leurs trésors, sans succès, autant le dire tout de suite, parce que c'était une formidable acropole où ils avaient caché leurs biens, et puis ils en avaient surtout emmené partout dans le désert. Et donc, l'assaillant a fait chou blanc, on peut dire. Mais c'est la première mention certaine, datée, des Nabatéens et de Petra, et pourquoi 312 avant Jésus-Christ. Pourquoi se retrouvent-ils là, de fait ? Pourquoi les Nabatéens se retrouvent là ? Alors, c'est une chose qui est un peu étonnante. C'est un refuge. Il faut le dire tout de suite, Petra est située au cœur d'un massif montagneux en bordure de ce grand fossé qui va de la mer Morte à la mer Rouge, qu'on appelle le Wadi Araba, au cœur d'un massif montagneux extrêmement compliqué d'accès. Petra nous donne l'exemple même que le déterminisme géographique n'existe pas. Ça devient une grande ville caravanière, alors que ce n'est sur aucune grande route caravanière, parce que les routes qui vont de la mer Rouge à la Méditerranée, elles passent pas là, elles passent évidemment par le Sinaï, par le Negev, et elle n'est pas davantage sur la grande route qui remonte du fond du golfe d'Aqaba en direction de Damas. C'est une route qui passe plus à l'est. C'est en fait d'abord un lieu caché, un lieu ou qui a été choisi pour son caractère défensif. Oui. Et d'ailleurs, ça, quand on y est, on le comprend très, très bien, parce que c'est vraiment une cuvette, voilà, en quelque sorte. Je vous propose, Maurice Sarre, de réécouter l'extrait qu'on entendait au tout début de l'émission, mais en version plus longue. Écoutez la description, justement, que fait Roch Carrier, l'auteur Roch Carrier, de ce site, de la manière dont on y arrive. Il en parle à l'animateur Gérard-Marie Boivin, à l'émission Il fait toujours beau quelque part, en 1988. C'est une merveille, c'est un diamant. C'est une ville qui est taillée dans le granit. Alors imaginez dans une montagne de granit, une espèce de lac très creux, mais sans eau, mettons 75 pieds de profond peut-être, mais l'eau aurait été vidée. Une espèce d'ancienne carrière. Une ancienne carrière, okay. Voilà, c'est la meilleure image. Une ancienne carrière de granit rose, avec tous les jeux de la lumière du soleil, que le soleil est présent. Et lorsque vous arrivez, on arrive par un passage très étroit et très profond. Et lorsqu'on arrive, on se trouve un peu comme devant un rideau de théâtre. C'est vraiment comme un rideau de théâtre qui s'ouvrirait lentement, à mesure qu'on approche. Et ce qu'on aperçoit, c'est des façades qu'on découvre ensuite sculptées dans le granit. Mais au moment où on marche, on n'a pas cette impression-là que c'est sculpté dans le granit. On a l'impression que ça a été bâti. Mmh. Et on a là toutes sortes de références à l'architecture ancienne, parce que les gens qui ont bâti cette ville avaient voyagé dans le monde, et leurs références étaient bien sûr les constructions grecques ou les constructions romaines. Et l'entrée dans ce site, c'est absolument saisissant et spectaculaire. Vous en avez vu beaucoup de sites, Maurice Sarre. Moi, c'est celui que j'ai vu qui m'a probablement le plus impressionné. Parlez-nous-en un peu de ce site extraordinaire. Alors, c'est effectivement, et la description est juste, il y a juste une chose à corriger dans ce qui est dit par Roch Carrier, c'est que c'est pas du tout du granit, c'est du grès. C'est une roche beaucoup plus tendre, et c'est ce qui explique que les Nabatéens aient pu, comme ça, faire ces façades sculptées facilement. Dans le granit, ça aurait été, à mon avis, un autre travail. Ouais. Mais c'est la seule erreur, et c'est pas de grande importance. Là où il a parfaitement raison, c'est d'insister sur le fait qu'on n'a accès au site que par un défilé qui est à l'air, qui est très étroit, qui est... Une espèce de canyon. Un canyon, mais vertigineux, puisque aux endroits les plus profonds, il y a 80 ou 90 mètres de hauteur, avant de voir le ciel, en quelque sorte, alors que par endroit, il ne fait pas plus de 3 ou 4 mètres de large. Ouais. Donc c'est vraiment... Et il a l'image qu'il trouve d'un rideau de théâtre est juste également. Lorsqu'on arrive au débouché de ce défilé qu'on appelle le Sikh, et qu'on débouche sur le grand tombeau royal qu'on appelle le trésor du pharaon, Rasnefiraoun, qui est tout simplement un tombeau royal, de fait, on dirait un rideau de théâtre à peine entrouvert. Mmh. Et l'effet est tout à fait extraordinaire. Après quoi, presque un kilomètre à avoir... un bon kilomètre, un peu plus d'un kilomètre de défilé qui serpente. D'ailleurs, c'est pas tout droit du tout. Hein. Et ce n'est que le début. La ville, en fait, se trouve un petit peu plus loin. D'abord, le défilé s'élargit d'abord, et c'est là qu'on va trouver un théâtre, et non pas comme ça a été dit tout à l'heure dans un autre extrait, un amphithéâtre, mais un théâtre. Et puis ensuite, cette grande zone de ce qu'on appelle la ville basse, qui est pas tout à fait plate, loin de là même, puisque c'est plutôt des pentes plus douces, disons, sur les bords d'une rivière qui est à sec, évidemment, presque tous les jours, et presque tous les jours de l'année, et c'est sur ces pentes que s'édifiaient les édifices publics, des temples, plus tard des églises, mais aussi un gymnase, des thermes, etc. Donc, c'est une ville qui est cachée de l'extérieur, et c'est ce qui explique probablement le choix des Nabatéens. Oui. La protection dont vous nous parliez tout à l'heure. C'est de la protection, d'autant plus qu'elle est dominée par des massifs dont les pentes sont pratiquement abruptes et qui servent de citadelle, de refuge. Il y en a une qui s'appelle la mer des citernes, en arabe s'appelle Oum el Biyara, ça veut dire donc la mer des citernes, qui est l'acropole proprement dite de Petra. Mm-hmm. Et je peux vous dire, pour y être allé plusieurs fois quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que maintenant je n'y retournerai pas, que pour y monter, c'est une pente totalement à pic. Ouais. Un mot sur l'architecture très, très riche. Roch Carrier l'évoquait, mais très rapidement. Quelqu'un que vous connaissez, d'ailleurs, l'archéologue Fawzi Zayadine, à l'émission Méditerranée en 1995, qui nous parle justement de ce métissage architectural à Petra. L'originalité de l'art nabatéen, c'est vraiment, il est au croisement de plusieurs civilisations. Nous avons là d'abord les civilisations anciennes de l'Orient, c'est-à-dire assyrienne et néo-babylonienne, et en plus de l'histoire romaine et hellénistique. Ce qui se manifeste le mieux, représente le mieux cet art, si vous voulez, éclectique et raffiné, c'est la façade du trésor du pharaon. Enfin, on a beaucoup parlé de cette façade qui se trouve à la sortie du Sikh. Son élégance, le raffinement de son décor, notamment fait penser à l'art hellénistique alexandrin, aussi à l'art romain qu'on retrouve à Pompéi. Donc vraiment, on l'entend bien dans cet extrait, Maurice Sarthe, grande richesse, métissage, mais très, très grande richesse architecturale. Grande richesse architecturale, et comme le dit Fauzi, au carrefour d'influences diverses. Alors, ce qui est vrai, c'est que il évoque dans son propos des influences qui viennent de la Mésopotamie. Il parle d'art assyrien, babylonien. On retrouve effectivement cette influence, par exemple, dans l'utilisation sur certains tombeaux de sortes de créneaux, de façades crénelées. Mais tout de même, ce qui domine très largement à Petra, c'est l'influence. Je dirais même pas gréco-romaine, mais on peut dire grecque d'Alexandrie. L'influence, d'abord, c'est pas très loin, et ça s'explique, c'est l'influence de l'art alexandrin, un art qui est très élégant, très fleuri, très décoratif, et le Razne Firaoun, le trésor du pharaon dont parle Fauzi, en est un bel exemple, avec ses colonnes très élancées, avec ces sortes de pots à feu qui couronnent des frontons à la fois rectangulaires et arrondis. Donc il y a là une très forte influence de l'art alexandrin, et d'une manière générale, disons, de l'art grec hellénistique. Oui. Et ce trésor du pharaon, il y a des gens qui nous écoutent qui disent « Qu'est-ce que ça a l'air d'être beau, ce site de Petra ?» Au fond, tout le monde, ou à peu près, sait, sans le savoir, de quoi on parle, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce trésor du pharaon, il a été rendu très, très célèbre, très connu en tout cas, par ce qui suit. S'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire, ce junior ? C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Junior. Moi, j'aime Indiana. On a appelé le chien Indiana. Peut-on rentrer, s'il vous plaît, maintenant? Andy, Henry, suivez-moi, je connais le chemin. Je ne vous demanderai pas de faire la critique du film Indiana Jones, N'ayez crainte, Maurice Sarthe, mais c'est vrai que ça a été un coup formidable. Avec tout ce que ça veut dire, parce qu'il y a des touristes, malheureusement, aujourd'hui, qui se rendent à Petra et qui ne voient que ça, finalement. Ils veulent voir cette image qu'on voit dans le film, là. Et alors, ils sont très déçus parce que ce qu'on voit dans le film, on voit la façade, évidemment, puis ensuite, on a toute l'action qui se passe à l'intérieur où Indiana Jones cherche le Graal. Mais quitte à décevoir ceux qui feraient le voyage pour aller voir l'intérieur, ça doit être tourné en studio quelque part, mais n'a rien à voir avec l'intérieur du tombeau d'Arétas IV, puisque c'est le tombeau du roi Arétas IV. Et l'intérieur, il y a rien à voir, on peut dire. En quelque sorte. Mais c'est vrai que ça a popularisé la façade, pour autant qu'elle ait besoin d'être popularisée, parce que c'est quand même l'image la plus répandue qu'on ait de Petra. Ouais. Parlez-nous de la vie à Petra, au-delà de ce qu'on y a, de cette architecture qu'on a décrite. La vie à Petra, on la connaît relativement mal. Disons que c'est une grande ville caravanière, comme je le disais tout à l'heure, c'était pas gagné d'avance, puisqu'elle n'est pas du tout sur les routes, mais les Nabatéens sont des grands transporteurs. Ce sont des gens qui connaissent le désert, qui élèvent des chameaux, et qui donc font le commerce entre l'Arabie heureuse, c'est-à-dire le Yémen aujourd'hui, et la Méditerranée. Et on sait par des témoignages, notamment de Strabon, l'écrivain grec d'époque romaine, qu'il y avait beaucoup de marchands romains qui fréquentaient Petra et qui venaient là pour trouver les marchandises, notamment la myrrhe, l'encens, qui viennent soit de la Corne de l'Afrique, soit de l'Arabie heureuse. Et la vie elle-même, alors, que peut-on en dire? Ce qui est le plus frappant, vous savez, c'est le problème de tous les grands sites archéologiques, on connaît bien les temples. Dans le cas de Petra, on connaît bien les tombeaux, puisque les grandes façades sculptées, c'est essentiellement des tombeaux, mais ce sont aussi des grandes salles de réunion, des salles de banquet. Donc, on voit que dans la vie quotidienne des Nabatéens, les banquets collectifs tiennent une grande place. Mmh. Et on a comme ça des dizaines et des dizaines de grandes salles, sans doute parce qu'il devait y avoir une convivialité de proximité, peut-être de clans ou de, j'ose pas dire de tribus, parce que ça serait excessif, mais en tout cas de peut-être de voisinage, et que les gens banquetaient bien volontiers. Ouais. Et d'après les textes anciens, aussi bien Diodore de Sicile que Strabon, avec un grand égalitarisme. Mmh. La question de l'eau à Petra, elle est très très importante aussi. Puis bien ça, entendu. Voit, quand on visite le site, on voit bien tout le système, le réseau d'aqueduc. Un petit extrait de reportage, parce que ça va être très évocateur. Vous vous en souvenez peut-être de cette catastrophe, oui, de 1963, extrait d'un reportage diffusé à la radio française, qui montre bien le rapport de Petra avec l'eau. Nous avons appris ceci. Le groupe de touristes français s'était rendu dans les gorges profondes de Petra, au sud-est de la Jordanie, comme un certain nombre de touristes le font pendant la Semaine Sainte. Petra, c'est approximativement à 300 km au sud de Jérusalem, au cœur d'un massif de grès rouge et rose, un site où les Nabatéens ont creusé, 3 siècles avant notre ère, une grande nécropole que les Romains occupèrent par la suite. La ville se trouve au fond d'un défilé très étroit, trop étroit même, où souvent deux personnes ne peuvent passer de front. C'est au fond de un de ces défilés que fut surpris le groupe de touristes, toutes des femmes et des jeunes filles appartenant au diocèse de Notre-Dame, donc au diocèse de Paris, et conduites par le révérend Pierre Steinmann. Surprises par les flots, elles n'eurent pas le temps de trouver un refuge. Elles étaient 27, 24 périrent emportées par un véritable torrent qui s'était formé en quelques minutes. Le torrent coulait, selon ses témoins, à plus de 100 km à l'heure, et ce n'est que 2 heures plus tard que la pluie s'arrêta aussi rapidement qu'elle était venue. Alors ce drame de 1963, Maurice Sartre, il est assez évocateur de la fragilité de Petra. Petra qui a besoin d'eau, qui la chérit, qui la conserve, oui, mais qui est aussi toujours menacée à cause de l'étroitesse de ce cycle. Qui est menacée par les eaux. Ouais. En effet, c'est là un des paradoxes de Petra, c'est que Petra doit à la fois être protégée par les eaux, des eaux, et alimentée en eau. Alors, protégée des eaux, parce qu'effectivement, ce défilé, il ne s'est pas creusé tout seul, et ce n'est pas un défilé creusé à main d'homme, même s'il a été parfois aménagé, c'est tout simplement le lit d'un wadi, d'une rivière temporaire, qui normalement se déverse dans la ville basse, celle où se trouvent tous les grands monuments. Et les Nabatéens avaient construit un barrage à l'entrée du défilé. Ils avaient même creusé un tunnel sous un petit massif montagneux qui est à côté, pour détourner les eaux ailleurs, parce qu'ils savaient très bien que le danger est énorme. Lorsqu'il pleut dans le désert, une rivière peut monter en quelques minutes. Et j'ai un ami, moi je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais je me souviens être allé à Palmyre à ce moment-là. J'ai un ami qui est resté comme ça 2 heures au bord d'un wadi à attendre que le flot cesse pour pouvoir passer. Et il a vu sous ses yeux un quart de personne qui a voulu tenter l'aventure et qui a été emporté. Donc c'est pour dire la violence du flot. Ouais. Donc les Nabatéens, eux, avaient construit un barrage à l'entrée avec ce tunnel de dérivation. Et en même temps, le tunnel de dérivation permettait de conserver l'eau dans des grandes citernes. Et on a effectivement sur le site de Petra de très nombreuses citernes où l'on recueillait l'eau. Par exemple, je parlais tout à l'heure d'Oum El Biyara, la mère des citernes. Eh bien, au sommet d'Oum El Biyara, vous avez des citernes souterraines qui ressemblent à de vastes bouteilles, des bouteilles géantes, avec une toute petite embouchure, mais toute la surface de la pierre a été nettoyée, creusée de stries, de manière à conduire l'eau dans l'unique embouchure de la citerne. Et donc, une seule pluie pouvait vous fournir des milliers et des milliers de litres d'eau qui étaient ensuite conservés dans ces citernes. Incroyable. Le déclin, le temps file rapidement, Maurice Sartre. Il arrive quand et pourquoi ce déclin de Petra? Alors, le déclin, il y a un premier déclin, probablement dès le 1er siècle de notre ère. Petra souffre d'une chose, c'est que les Romains ont mis la main à la fois sur l'Égypte et sur Palmyre. C'est-à-dire que les Romains ont accès à la mer Rouge, et donc une partie du commerce qui vient de l'Arabie heureuse, du Yémen, va désormais directement sur la côte égyptienne de la mer Rouge, et vont à Alexandrie directement. Mais comme les Nabatéens sont des petits malins, eh bien, un certain nombre d'entre eux ont traversé la mer et se sont employés comme transporteurs de l'autre côté. Et puis aussi, il y a le commerce Palmyre qui est annexé à l'Empire romain en 17-19 de notre ère. Et du coup, les Romains, si vous voulez, perçoivent des droits de douane directement, alors qu'autrement, ce sont les Nabatéens. Mmh. Mais ça n'a sûrement pas tué le commerce de Petra, parce que avec les Palmyréniens, ils n'ont pas exactement non plus les mêmes routes. Oui. D'autre part, c'est surtout au IVe siècle que Petra commence vraiment à souffrir, notamment le grand tremblement de terre de 363 qui détruit beaucoup. Mais contrairement à ce qu'on a souvent dit, la ville n'est pas abandonnée du tout, puisqu'il y a encore un évêque, on construit des églises. Ah bon ? On connaît au moins 3 églises à Petra, dont une superbe qui a été découverte il n'y a pas très longtemps, avec beaucoup de mosaïques et des lots de papyrus qui nous montrent que la ville reste active jusqu'au VIe siècle. Et la ville est conquise par les armées musulmanes. Ça ne vous étonnera pas si je vous dis que c'est une des premières villes conquises en Syrie par les armées musulmanes, puisque évidemment c'est une des plus au sud, ouais. En 634-635, quelque chose comme ça. Et puis elle sera redécouverte, il y aura des Bédouins qui seront toujours là, mais on n'a pas vraiment le temps de s'attarder à eux, mais ils seront là vraiment jusqu'à tout récemment encore. Oui. Mais la ville est redécouverte finalement Elle est connue au temps des, elle est connue au temps des croisés déjà, où on l'appelle l'Ivo Moïse, parce qu'il y avait là un tombeau du frère de Moïse, Aaron, qui était vénéré par les musulmans. Et puis, elle est surtout redécouverte en 1812 par le voyageur suisse Burckhardt, Johann Ludwig Burckhardt, qui passe quelques heures au péril de sa vie, il faut bien le dire, car les Bédouins gardaient jalousement secret le site, persuadés évidemment que chaque monument renfermait des trésors. Mmh. Et donc si des Européens venaient pour visiter la ville, c'était évidemment pour voler les trésors. Oui. En quelques mots, Maurice Sarre, Petra, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que c'est devenu? Alors, c'est d'abord le site le plus touristique de Jordanie. On peut dire maintenant du Proche-Orient, mais tout le reste du Proche-Orient est à feu et à sang, et donc ça se comprend. C'est un site d'une beauté sans égale, il faut le dire. Oui. C'est un site immense et dont les touristes ne voient en général que très très très peu de choses. C'est-à-dire, ils voient le centre-ville en quelque sorte. Imaginez quelqu'un qui visiterait Paris et qui n'aurait vu que de la Concorde aux Champs-Élysées. C'est à peu près ça, quoi. Malheureusement, c'est peut-être aussi le bonheur de ceux qui ont un peu plus l'esprit d'aventure et qui prennent les petits chemins à droite et à gauche et qui ont le plaisir, eux, de découvrir toute la splendeur de Petra. Et cette émission, c'est certainement aussi le petit déclic, la bougie d'allumage pour y aller ou pour y retourner plus longuement. Maurice Sarre, merci beaucoup. C'est un plaisir encore une fois de vous recevoir aujourd'hui l'Histoire. Merci. Merci à vous. Maurice Sarre, je vous le rappelle, donc spécialiste de l'histoire de la Méditerranée orientale, membre de l'Institut universitaire de France. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la réalisation Mathieu Beauchamp, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, à la recherche d'archives Mario Bolduc, au site internet Daniel Foucard et Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Daniel Labrosse. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.